Vous écoutez France Culture. Et lundi d'histoire, Philippe Le Villain. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Le 21 janvier, après le meurtre du roi prêtre, s'achève ce qu'on a appelé la passion de Louis XVI. Certes, c'est un répugnant scandale à présenter comme un grand moment de notre histoire, l'assassinat public d'un homme faible et bon. Cet échafaud ne marque pas un sommet, il s'en faut. Il reste au moins que, par ses attendus et ses conséquences, le jugement du roi est à la charnière de notre histoire contemporaine. Il symbolise la désacralisation de cette histoire et la désincarnation du Dieu chrétien. Dieu, jusqu'ici, se mêlait à l'histoire par les rois, mais on tue son représentant historique, il n'y a plus de roi, ça n'a plus qu'une apparence de Dieu relégué dans le ciel des principes. Ce texte est extrait d'un livre qui, à l'époque, a suscité beaucoup de polémiques, comme l'homme d'ailleurs, L'homme révolté, d'Albert Camus. Arlette Joanna, bonjour. Bonjour. Vous avez publié dans le sillage de ce texte un livre admirable, il faut le dire, et les histoires sont là aussi pour qualifier les livres, Le pouvoir absolu, naissance de l'imaginaire politique de la royauté. Ce n'est pas votre premier coup d'éclat. Vous avez publié aussi Le devoir de révolte en 1989, L'histoire et le dictionnaire des guerres de religion dont on va parler, et surtout la Saint-Barthélemy, qui, dans votre analyse, figure comme une césure importante sur la figure du roi et le pouvoir absolu. Pour accompagner cette discussion que nous allons avoir, Emmanuel Jousse, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à Lille 3, vous êtes spécialiste, ce qui peut paraître paradoxal, du réformisme et du mouvement socialiste. Vous faites une thèse brillantissime sur la construction intellectuelle du socialisme réformiste en France, voilà, de la Commune de la Grande Guerre. Et vous avez préparé avec quelqu'un que je connais un livre important qui paraîtra dans un ou deux ans, qui s'appelle Le masque du roi. Donc, ce qui veut dire que l'intellectuel qui s'occupe du socialisme est aussi capable de s'occuper de ce qu'on peut appeler la symbolique du pouvoir royal. Autour de votre livre, Arlette Joanna, j'ai joint parce qu'il m'a semblé qu'on pouvait en discuter aussi un livre qui le conjoint, si j'ose dire, sans vraiment le rejoindre, sous la direction de Patrice Guénifet, Les derniers jours des rois, qui a un succès très grand chez Perrin, qui n'est pas un livre uniquement, je dirais, de thanatologie ou de fin des rois de façon Paris Match ou François, mais qui aborde la question de l'abandon de la sacralité dans la vie quotidienne de ce qu'est la maladie, la mort et finalement aussi la souffrance de l'entourage qui est la cour, dont vous parlez beaucoup dans votre livre. Arlette Joanna, bon, je sais que vous avez reçu le prix Chateaubriand, ce qui n'est pas négligeable, il le fallait. Vous avez une carrière de mots, je sais que vous êtes professeur émérite de Montpellier 3, et avant, peut-être, on peut raconter à la jeunesse qui nous écoute ce que vous faites pour en arriver là et avoir un prix Chateaubriand, en deux mots. Écoutez, en deux mots, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à celui qui fut mon maître, c'était Roland Mounier. J'ai passé 4 ans comme attaché de recherche au CNRS et pendant ce temps, j'ai fréquenté son séminaire. Et, à la Sorbonne. À la Sorbonne. Il s'occupait beaucoup de l'histoire de Paris aussi. Voilà. Et des institutions. Et donc, c'est lui qui m'a passionné, qui m'a intéressé pour le 16e siècle, pour l'Ancien Régime, et en particulier pour le 16e siècle. Et quand j'ai commencé à écrire Le devoir de révolte, évidemment, Le devoir de révolte, c'était la révolte contre le pouvoir absolu. Donc, j'ai rencontré cette énigme des réactions que suscitait chez les Français des temps modernes l'expression pouvoir absolu. J'ai eu l'occasion ensuite, à travers l'histoire des guerres de religion, puis dans le manuel que j'ai écrit sur la France du XVIe siècle au presse universitaire, de rencontrer encore ces questions de ce qu'était le pouvoir absolu, ce qu'était la légitimité du pouvoir. Et donc, c'est tout à fait... Le livre actuel sur ce pouvoir, ce type de pouvoir, est le fruit d'une très, très longue réflexion. Naissance de l'imaginaire politique de la royauté. C'est le mot imaginaire qui est intéressant, parce qu'on peut dire que naissance de la pratique politique, vous mettez imaginaire. Oui, ce n'est pas un livre sur les institutions. C'est ce qui m'a intéressé, c'est qu'est-ce que les Français entendaient dans l'expression pouvoir absolu, et donc quelles idées, quelles représentations, quels sentiments, quelles émotions suscitait ce mot absolu. Et je me suis aperçue que au cours du XVIe siècle, il y a un changement extraordinaire, spectaculaire de sens du mot absolu. Le pouvoir absolu à la fin du Moyen Âge et encore à la Renaissance est un mot qui suscite la répulsion plutôt. Le pouvoir absolu est considéré comme dangereux et comme un pouvoir d'exception pour les situations d'exception, alors que si l'on se place déjà à la fin des guerres de religion et au XVIIe siècle, le pouvoir absolu est désormais considéré comme l'exercice ordinaire de l'art de gouverner et l'exercice non seulement ordinaire mais bénéfique. Alors il y a là une transformation qui est étonnante, et j'ai donc voulu savoir pourquoi, comment ça s'était passé, quels étaient les facteurs qui avaient pu provoquer une transformation de cette nature et de cette ampleur. Alors, pour résumer brièvement une chose de façon un peu vulgaire, pardonnez-moi, mais il faut quand même que les jeunes auditeurs acceptent une écoute simplifiée pour aller vers les choses plus compliquées. Le pouvoir absolu, c'est-à-dire pouvoir délier de toute relation hors celle que l'on a avec Dieu. Donc c'est là que se joue la question du sacre et la sacramentalité, la guérison des cruels, plus tard, même jusqu'à Charles X, n'est-ce pas, que la personne du roi obtient une sacralité qui est, je veux dire, extra, non pas terrestre, mais extra-normalité. Oui. Il y a effectivement cette question de la sacralité du roi. Le pouvoir absolu, c'est le pouvoir de déroger aux lois. Et déroger aux lois, c'est véritablement s'abstraire d'un ordre divin, d'un ordre qui est censé être inscrit dans tout l'univers par Dieu lui-même. Donc c'est un acte extraordinairement grave et qui met de surcroît en péril les libertés des sujets, puisque c'est une façon de s'abstraire des lois, et donc c'est une notion qui est voisine de l'arbitraire. C'est pour cela que c'était considéré comme dangereux, du moins avant cette transformation à laquelle on assiste dans les guerres, pendant les guerres de religion. On va venir regarder sur Ebenezer Jus. Et c'est ça qui constitue peut-être le fil rouge de vos livres précédents, ou en tous les cas l'idée principale qui pourrait les relier, puisque dans la noblesse française et dans le devoir de révolte, la noblesse française et la gestion de l'État moderne, en 1989, vous aviez justement montré ou mis l'accent sur la défense par la noblesse du bon pouvoir royal, c'est-à-dire d'un pouvoir qui serait contrôlé ou qui aurait un fondement collectif. Ce que vous montrez aussi dans le pouvoir absolu. Et dans la Saint-Barthélemy, vous aviez aussi conclu sur le fait que la Saint-Barthélemy et les guerres de religion avaient ouvert la question de savoir si la monarchie devait être absolue ou modérée, s'il devait y avoir des institutions de contrôle. Et c'est vraiment sur cette idée d'une naissance problématique de l'absolutisme que peut-être tous vos ouvrages en fait convergent vers cette idée du pouvoir absolu qui est discutée dans les guerres de religion. On disait que le roi devait gouverner par grand conseil, c'est-à-dire que on pensait que un homme seul ne pouvait pas déceler ce qu'était une décision juste, puisque une décision juste était censée être avant tout en accord avec l'ordre juste et divin établi par Dieu dans le monde entier, dans l'univers entier. Autrement dit, le roi tout seul ne disait pas le droit. Une décision conforme au droit, conforme à la justice, devait être délibérée par plusieurs, on disait débattu à la raison par plusieurs, c'est-à-dire passé en quelque sorte par le filtre de la délibération, d'abord dans le Conseil royal, ensuite par la délibération des cours souveraines qui devaient vérifier, c'était le mot qu'employaient les cours souveraines, essentiellement les parlements, vérifier la justice de la loi et ensuite la publier pour qu'elle soit exécutable. Et même, on peut dire, en ce qui concerne l'instauration d'impôts, devait passer par le filtre du consentement dans les États généraux ou les États provinciaux, c'est-à-dire des assemblées constituées de représentants des trois ordres qui divisaient la société, le clergé, la noblesse et le tiers-État. En sorte que la loi ne devenait exécutable qu'après ce passage à travers les filtres de la délibération, donc elle revêtait un aspect collectif. Et l'on disait alors qu'elle devenait, qu'elle émanait du roi en tant que roi. Donc du roi avec une majuscule, si l'on peut dire, et non pas du seul roi avec une minuscule, c'est-à-dire de l'individu royal. Et vous parlez de ce que vous appelez abandonné, page 28 de votre livre, que je dis le lecteur vers je dirais le cheminement qui est le vôtre, qui était passionnant. De la digna vox, c'est-à-dire celle qui renforce le raisonnement. En l'occurrence, vous parlez du Sénat romain à ce moment-là. Il y a ce qu'on peut appeler une sorte de parlement à l'époque romaine, tout, mutatis mutandis, mais que, héritage de ceci, à partir du 8e siècle, ou peut-être du 7e d'ailleurs, le roi incarne la digna vox, celle qui est au fond, non pas le juge suprême, mais l'incarnation du raisonnement parfait et de la décision face au raisonnement. Oui, la digna vox était ce qu'on appelait une constitution, c'est-à-dire une loi romaine qui était attribuée aux empereurs Valentinien et Théodosien. Le code, le code. Et oui, mais le code Théodosien. Oui. Oui, elle consistait à dire, c'était une formule que le Parlement aimait à rappeler, que c'était une parole digne d'un souverain que de consulter ses sujets avant de prendre une décision. Donc, c'était une chose que le Parlement aimait à rappeler, que le Parlement se comparait au Sénat romain, et le Parlement de Paris en tirait argument pour dire que toute loi devait passer justement par la vérification, par la délibération des juges. Alors, est-ce que ce n'est pas un système qui est encore actuel, qui est très moderne, non? Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec la constitution de la Ve République? Alors, il y a, c'est vrai que... Je vous emmène très loin, là. Oui, mais c'est vrai que, mais on a pu parler de pensée constitutionnelle, dans la mesure... On a pu dire que le contrôle qu'exerçait le Parlement, les juges du Parlement appelaient ça un contrôle de civilité. Et on a pu effectivement comparer ce contrôle de civilité à un contrôle de constitutionnalité aujourd'hui. Mais à condition, cela peut se concevoir, à condition de bien mettre des guillemets à constitutionnalité, et à condition aussi de rappeler que la constitution auquel les parlementaires se référaient, c'était d'abord une constitution coutumière, non écrite, celle du royaume. Mais c'était... Oui, mais c'était pas seulement cette constitution coutumière, parce que cette constitution coutumière s'inscrivait elle-même dans l'ordre juste auquel il se référait. Donc, c'est cette justice transcendante qui finalement faisait figure de constitution éternelle, préexistante à la volonté royale et préexistante aussi à la volonté des juges, ce qui fait que l'élaboration de la loi, c'était une affaire religieuse finalement, c'était un effort commun du roi et des cours souveraines, du conseil et des cours souveraines pour configurer la cité terrestre à la cité céleste, pour maintenir le lien entre l'au-delà et l'ici-bas. Comme chez Saint-Augustin. Oui, comme chez Saint-Augustin, il y avait aussi cette réminiscence, effectivement. Et de cité. C'est surtout par l'intermédiaire de Thomas d'Aquin. Emmanuel Jout. Là, c'est la distinction, mais que vous expliquez très bien, entre le pouvoir du roi et le vouloir du roi, qui ne sont pas au départ la même chose. Et ce qui est très étonnant dans cette première partie du livre, puisqu'en fait, ici, nous sommes en train de parler surtout de la première partie du livre, de l'héritage médiéval de cette monarchie. C'est ça. Peut-être pas contrôlée, mais disons équilibrée, disons. Qui fonctionne essentiellement sur le consensus. Et ça, c'est extrêmement difficile à appréhender quand on pense d'emblée à la monarchie d'Ancien Régime. C'est le fait qu'on a du mal à considérer qu'en fait, elle fonctionnait sur un consensus et pas du tout sur une décision unilatérale du monarque qui sera un peu celle de Louis XIV. Et ça, c'est vraiment très, très étonnant et qui soulève la question ou le thème de la distinction entre les deux corps du roi, les deux conceptions du roi, le roi avec un grand R, comme vous disiez, l'autorité monarchique elle-même, et puis le roi avec un petit R, qui, lui, est simplement l'individu. Et donc, on rejoint ce thème ici, qui rejoint aussi celui de la sacralisation du roi. Donc ça, c'est la première question. Comment est-ce que cette distinction, en fait, elle a changé progressivement pour faire aboutir à la monarchie absolue? Et une deuxième question serait sur le rôle des guerres de religion. Vous avez dit que tout cela était lié à la conception religieuse du monde. Qu'est-ce que les guerres de religion, qui, au fond, ont bouleversé cette conception-là, ont changé dans cette interprétation de la monarchie? Je crois que, finalement, vos deux questions se rejoignent, puisque... C'est précisément le traumatisme des guerres civiles, des guerres de religion, des guerres qui ont opposé protestants et catholiques, qui a provoqué ce rapprochement, paradoxalement, qui a provoqué ce rapprochement entre les deux corps du roi et a finalement faire du corps physique du roi, du corps individuel, l'incarnation de cette justice qui perd progressivement sa transcendance pour s'incarner dans le corps physique du roi. Alors, comment est-ce que cela a pu se produire? Eh bien, je crois tout ça... Enfin, c'est le simple fait... Enfin, la division religieuse qui a été un choc, un bouleversement dont on a beaucoup de peine aujourd'hui à imaginer l'ampleur, puisque la religion maintenant est cantonnée dans le fort privé, alors que au XVIe siècle, elle structure l'État, elle structure le royaume. Les catholiques et les protestants se divisent sur la vérité, comme s'il y avait plusieurs voies d'accès à la vérité, ce qui est profondément traumatisant. L'unité du corps politique qui était indissociable de l'unité religieuse se fragmente, se brise. Par conséquent, protestants et catholiques ne savent plus exactement, ne s'accordent plus sur ce qu'est l'ordre juste. Ce qui a accentué, je crois vraiment, le facteur qui a été le plus important, c'est la précocité avec laquelle le roi s'est posé en arbitre entre les deux confessions, c'est-à-dire a prétendu légaliser la coexistence pacifique, et cela dès 1562, c'est une date extraordinairement précoce, nouveauté que le chancelier Michel de l'Hôpital résume de façon très frappante en disant à l'Assemblée qu'il écoutait, où il y avait des parlementaires qui allaient préparer l'édit, qui allaient légaliser la coexistence. On peut être à la fois un bon chrétien, un mauvais chrétien et un bon citoyen. Et cette notion de citoyenneté, c'est un mot qui est citoyen, qui est répété dans tous les édits, dans les préambules de tous les édits de pacification. Le roi crée ainsi un espace de concitoyenneté qui était, c'est là la nouveauté, confessionnellement neutre. Et donc, il se posait au-dessus des passions partisanes et... c'était une nouveauté, encore une fois, inouïe et qui a été extrêmement difficile à accepter. Il n'y avait qu'une seule façon de l'accepter, c'est de croire qu'en le faisant, le roi bénéficiait d'une connaissance privilégiée, particulière de Dieu, connaissance d'un dessein de Dieu sur la monarchie qui désormais était incompréhensible. Et sur sa personne. Mais qui était que lui-même, que lui, le roi devenait l'initié, celui qui participait du mystère divin, un mystère inaccessible désormais au commun des sujets. Donc, ce qui est aussi une fragilité, puisqu'au fond, qui peut dire que le roi a accès à cette vérité. Par exemple, dans le cas d'un roi catholique, est-ce que les protestants vont accepter facilement que ben, finalement le roi détienne cette vérité-là, même si elle est contre eux ou même si elle s'oppose à eux? Ça, c'est quand même un facteur de fragilité. Il faut tout de même accepter que le roi ait accès à cette vérité. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que les protestants ne l'ont pas accepté. Et ce sont, enfin, ne l'ont pas accepté immédiatement. Ils l'ont même violemment contesté après la Saint-Barthélemy surtout, mais même avant, dès la première guerre de religion, se développe cette idée que la monarchie est en train de dégénérer, la monarchie est en train de devenir une tyrannie. Donc, dès avant la Saint-Barthélemy, ils ont essayé de rappeler l'ancien idéal monarchique de création collective de la loi. Et après la Saint-Barthélemy, cette protestation a pris la forme même de la proposition d'un type de monarchie qui serait différent et qui serait de nature contractuelle, avec l'idée d'un contrat entre le roi et le peuple que le roi ne pourrait pas enfreindre, et si en cas d'infraction, le peuple serait délié de son devoir d'obéissance. Donc il y a vraiment eu chez eux l'espoir d'une monarchie qui serait limitée par les États généraux. Après, ils ont un peu évolué, les théoriciens protestants qui se sont exprimés, surtout après la Saint-Barthélemy, on les a appelés les monarchomaques, c'est-à-dire ceux qui luttent contre le pouvoir d'un seul. Et ils ont donc une monarchie limitée par les États généraux, ou même chez François Hautmann, l'un des monarchomaques, après une évolution par le Parlement. Donc il y a eu véritablement l'élaboration de l'idée qu'il pouvait y avoir une autre voie que la monarchie absolue. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière dans votre raisonnement sur le fait que ça a été une fragilité pour la monarchie d'avoir justement cette idée que le roi était le seul interprète de la volonté divine, ce qui a profondément fragilisé la monarchie, mais en même temps l'a renforcé. Et ce qu'on voit très bien au moment de la mort de deux monarques, des deux derniers Valois, Charles IX et Henri III, Charles IX en 1574 et Henri III en 1589. Donc, est-ce que à travers ces deux morts extrêmement spectaculaires, Charles IX parce qu'il meurt de maladie et de façon très violente, et puis Henri III parce qu'il est assassiné évidemment, est-ce que ça ne montre pas ce renforcement aussi de l'idée monarchique? Et la deuxième question, sur l'idée d'une monarchie qui repose sur le consensus, est-ce que au fond la monarchie française, à un moment donné, précisément à la fin de ces guerres de religion, aurait pu choisir une autre voie qui était celle finalement de la monarchie anglaise, celle du consensus? Donc, deux questions, à la fois sur la mort du roi et puis sur cette monarchie du consensus. Oui, mais vous dites à un moment donné, Arlette Joannac, au moment des guerres de religion, enfin, la Saint-Barthélemy, soyons clairs, il y a un propos délibéré de Charles IX, en vertu duquel l'exécution de Coligny, qui est un massacre que l'on sait, a restitué à son autorité roi absolu, ce qui signifie roi complet, régnant sur la totalité de ses sujets. Or, que vous savez très bien, au même moment, il se trouve que la réforme, donc, est en cours après le Concile de Trente, qui donc est précédent, cherche une voie, non pas de réconciliation, mais je dirais de parallélisme. Donc, comment s'élabore, je dirais, et que d'autre part, il en résulte une fortification très forte, si j'ose dire, du pouvoir pontifical. Comment voyez-vous ce parallèle entre cette volonté de régner en tant qu'absolu, donc délié de tout vis-à-vis de ses sujets par rapport à ce qu'est une relation verticale, et d'autre part, une volonté justement d'appuyer ce pouvoir sur l'élimination de sujets dissidents des deux côtés, pour la cour comme pour l'autel? Oui, alors la mort de Charles IX, pour répondre d'abord à votre question, a été... Emmanuel XII. une mort qui a servi d'enjeu, finalement, d'enjeu polémique entre les protestants et les catholiques. Les protestants voulant y voir une punition pour les horreurs de la Saint-Barthélemy, les catholiques y voyant la mort d'un saint. La Saint-Barthélemy, quand Charles IX a justifié l'exécution, il appelait ça une exécution et pas un assassinat, une exécution de justice, il a dit ensuite qu'enfin il était roi absolu, c'est-à-dire seul maître à bord, en somme, seul commandant à l'ensemble de ses sujets, alors que Coligny était devenu quasiment à ses yeux un rival. Alors, la rupture à laquelle vous faites allusion et qui est impliquée dans l'évolution vers un pouvoir absolu unique appartenant uniquement au roi, cette rupture avec la rupture de la dimension verticale, c'est vrai que elle se déroule parallèlement à la contre-réforme catholique ou la réforme catholique et à l'affirmation, la réaffirmation du pouvoir pontifical. Alors, cette coïncidence va donner lieu, c'est surtout au début du XVIIe siècle qu'il y aura une sorte de renouveau de cette rivalité entre le pouvoir pontifical et le pouvoir royal, avec la réaffirmation, donc au début du XVIIe siècle, de l'idée du pouvoir indirect du pape. Dont les théologiens soutiennent que le pape a le droit d'intervenir indirectement dans les affaires du royaume de France. Alors, avec la Ligue, c'est déjà... On va parler de la Ligue, parce que c'est un passage très impressionnant de votre livre. Vous aimez les ligueurs, en fait. Oui, ils sont fascinants. Attendez, avançons. Et donc, oui, la mort, les morts des... Alors, elles ont été... L'assassinat d'Henri III a été évidemment un ébranlement terrible pour la monarchie, mais en même temps, tous ces facteurs... Alors, je signale aux auditeurs, pardonnez-moi de vous interrompre, qu'il y a dans le livre sur le dernier jour des rois de Patrice Guénifet un article sur la mort d'Henri III, dont je ne retrouve pas, mais je vais immédiatement y venir... la date, qui est très bien écrite d'ailleurs, et qui montre quand même que ce geste de folie, qui est Jean-François Solnon, l'assassinat du 1er août 1589, décidément 89 en France, est une date suspecte, comme le mois de mai d'ailleurs. Et donc, je dis ça pour valoriser le livre. En fait, on considère que c'est un miracle accompli vers un impie, nous sommes d'accord, Henri III, et à ce moment-là, on dit que le roi a refusé ce dernier sacrement et s'est recommandé au diable. Donc c'est très intéressant d'ailleurs, dans la monarchie, la présence du diable. Oui, Barry. Vous en parlez peu, ceci dit. Henri III a été évidemment, il a suscité un torrent de dénigrement extraordinaire. On l'a accusé d'être un impie, oui, d'être un homosexuel, d'être efféminé, ce qui est probablement faux. Donc il y a eu un déferlement de haine contre lui. Et de libelle. Oui, tout à fait remarquable. Thank you. Vous écoutez les lundis de l'histoire, autour du livre de Arendt Johanna, Le pouvoir absolu, naissance de l'imaginaire politique de la royauté, et, sous la direction de Patrice Guénifet, Les derniers jours des rois, édition Perrin, avec Arendt Johanna et Emmanuel Jousse. Non, ligueurs. Vous aimez les ligueurs et Emmanuel Jousse aussi. Vous aimez beaucoup les ligueurs. J'avais une autre question, mais qui dépasse un petit peu chronologiquement la ligne qui était, mais vu cette situation, comment est-ce que la monarchie a réussi à se maintenir? Puisque finalement, avec Henri III, on a l'impression, tel que vous l'expliquez, que... La désacralisation était allée très loin. Oui, la désacralisation était très loin et je crois qu'on a trop souvent insisté sur cet aspect. Mais si on y insiste trop, on n'arrive pas absolument à comprendre comment un homme comme Henri IV a réussi à s'imposer, ou alors on a recours à des explications, un homme providentiel qui... il faut bien prendre conscience que les guerres de religion ont été un facteur aussi. Il y a eu un facteur de renforcement de la monarchie, justement parce que le roi s'est imposé en arbitre, et alors en s'imposant comme arbitre, en légalisant la coexistence pacifique entre partielle, non sans retours en arrière, bien sûr, et il a fallu 8 édits de pacification pour qu'enfin celui de Nantes en 1598 réussisse à l'imposer, cette cohabitation pacifique partielle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les édits de pacification expriment tous l'idée que un jour Dieu, la grâce de Dieu finira par réunir les frères ennemis protestants et catholiques dans la même foi. Donc il y a cet espoir que la réunion de foi se fera et par conséquent que le temps présent est provisoire. Mais cette notion de temps provisoire... C'est augustinien, Johanna. Oui, cette notion de temps provisoire est extrêmement intéressante parce qu'elle introduit une nouvelle catégorie de temps dans l'ancien dualisme, temps extraordinaire, temps ordinaire, puisque le pouvoir absolu était considéré comme le pouvoir du temps extraordinaire. Mais dans le temps provisoire, on ne sait pas combien de temps il va durer. À vue humaine, c'était impossible. Donc, en attendant cette fameuse réunion espérée, eh bien, il faut inventer des solutions complètement inédites. Et cette faculté d'invention, elle est considérée comme cautionnée par Dieu, donc incritiquable par les sujets. Et cela donne une autonomie pratique au roi une autonomie d'action tout à fait inédite et considérable. Et alors là, on arrive à la fin de votre analyse, en fait, mais c'est extrêmement intéressant, parce qu'en fait, on comprend que cette monarchie absolue, à l'issue de ce livre, elle est presque trouvée non pas par hasard, mais en essayant de composer avec les circonstances telles qu'elles se donnent, et que ce n'était pas la solution qui était trouvée d'emblée ou qui était écrite pour marquer l'histoire de France. Et qu'en réalité, il y avait d'autres solutions qui pouvaient être adoptées. On a parlé de cette monarchie plutôt consensuelle, plutôt équilibrée, contrôlée. Et il y aurait le modèle monarchique aussi de la Ligue, ce qui nous fait retourner sur... Alors, on arrive à la Ligue. Ce sont vos favoris. Il y a des pages merveilleuses sur la Ligue, sur laquelle, d'ailleurs, j'avoue, j'étais instruit. C'est-à-dire, au fond, cette idée qu'il était possible d'opposer au roi un pouvoir qui fut, disons, plus parlementaire, je me trompe, quelque chose... Mais ce qui m'a beaucoup étonné en lisant les traités Ligueurs... Vous aimez la Ligue. Les textes Ligueurs, c'est que... ils reconnaissent au roi un pouvoir absolu. Mais cela se comprend assez bien parce que dans l'idéal, le pouvoir absolu n'appartient qu'à Dieu. Et ça, les Ligueurs reviennent à cette idée. Et ils reviennent aussi à l'idée de la sacralisation du corps politique, puisque cette tendance à la sacralité, à la sacralisation de la personne du roi, aboutissait finalement à une désacralisation du corps politique. Elle aboutissait à faire sortir métaphoriquement le roi du corps politique pour le placer au-dessus. La satire Ménippée disait un espace mitoyen entre les anges et les hommes, donc ça aboutissait à une désacralisation du corps politique. Les Ligueurs ont réagi contre cela en essayant de resacraliser le corps politique. Et dans en voulant le canaliser, vous le dites. Oui, alors voilà, mais dans ce corps politique resacralisé, comment faire pour que la volonté de Dieu soit accomplie? Il faut un pouvoir exécutif. Il faut un pouvoir un pouvoir de contrainte. Il faut un pouvoir. C'est pour cela que les Ligueurs ont besoin du pouvoir absolu, mais canalisé, contrôlé. Mais ils ont besoin d'un pouvoir qui soit immédiatement exécutable et qui soit capable de contraindre tous les fidèles, tous les sujets à communier dans la même ferveur catholique. Donc ils ont besoin du pouvoir absolu, mais un pouvoir qui serait canalisé, alors par qui? Par le clergé? Par une institution capable d'interpréter la volonté divine. Et c'est là que le problème s'est posé pour eux. Comment? C'est la volonté, c'est Dieu qui possède le pouvoir absolu suprême, mais c'est la volonté de Dieu qui doit être exécutée sur terre. Mais à qui conférer le pouvoir d'interpréter cette volonté? Et c'est là qu'il y a deux grandes tendances, en gros, soit la tendance de ceux qui disent « ce sera à l'Église, au clergé, et indirectement au pape, d'interpréter la volonté de Dieu », et puis il y a ceux qui disent « ce serait plutôt les États généraux qui seraient dominés par le clergé, puisque dans les États généraux, il y a le clergé figure comme l'un des ordres. Ce seront plutôt les États généraux guidés par le clergé, qui interpréteront la volonté divine. Donc il y a cette articulation entre la volonté divine qui est présentée comme seule maîtresse de la cité terrestre, et puis les intermédiaires de cette volonté, d'une part les interprètes, et puis d'autre part le roi qui serait cantonné dans le rôle de bras armé, soit du clergé, soit, enfin ce serait toujours le clergé dans le, puisque les états généraux seraient guidés par le clergé, qui deviendrait le bras armé du clergé. Alors il y a une question que vous n'évoquez pas dans votre livre, qui surtout surgit après l'assassinat de Henri III, qui est le régicide. Parce qu'il est quand même authentiquement défendu par même des jésuites, qui considèrent que c'est une sorte de nécessité de rappeler la culpabilité, les défauts, les erreurs d'un roi. Alors, il me semble que j'ai peut-être pas lu votre livre, que j'ai quand même beaucoup lu, que ce n'est pas un problème que vous abordez le régicide, parce que dans la mort de Louis XVI et la condamnation donc, qui a lieu le 19 janvier avant le 21 janvier 1793, 92 je crois d'ailleurs, il est bien question de cela, à savoir que le roi fautif mérite l'échafaud ou l'assassinat. Par rapport à ce que vous dites sur les ligueurs, les ligueurs voient très bien la fluctuation entre d'un côté ce qui représente le pouvoir de l'Église et son contrôle, de l'autre côté, je dirais, la relativité de ce contrôle par rapport à un roi qui, au fond, est toujours sous contrôle. Et il y a, à partir d'Henri III, une défense, notamment par Suarez, du régicide. Alors, dans les sermons ligueurs qui étaient les réunions politiques de l'époque, on se pressait aux sermons, on venait les écouter. C'était les Tea Party. Oui. Et dans les sermons ligueurs, il est très difficile, on n'a pas véritablement d'appel au meurtre proprement dit, mais c'était un arrière-plan. On citait Judith et Holoferne, on citait les grands exemples bibliques. Donc il y avait indirectement et incontestablement un appel à tuer le roi. Jacques Clément dit avoir été influencé aussi par les sermons et puis avoir une inspiration directe de Dieu, mais on n'a pas véritablement dans les textes ligueurs d'appel explicite au meurtre. Simplement après, dans le livre que le curé Jean Boucher écrivait en 1589 sur la juste abdication d'Henri III, au moment où il écrivait, l'assassinat, le régicide s'est produit, et là il ajoutait tout de suite un chapitre d'exultation disant Judith a tué Holoferne. Jean Boucher a légitimé, a expliqué et a justifié ce régicide. Mais l'idée chez les ligueurs était plutôt, mis à part cet arrière-plan biblique qui pouvait tout à fait pousser les auditeurs à l'assassinat du roi, l'idée était plutôt qu'il fallait le mettre en jugement par les États généraux. Mais ce qui se passe rapidement. Est-ce que la possibilité du régicide, c'est pas justement le signe que cette monarchie absolue où le roi est le seul interprète de la volonté divine n'est pas tout à fait achevée? Et justement, à partir du moment où, à partir du début du XVIIe, où là, pour le coup, on a cette monarchie absolue qui commence à se formuler de façon très, très explicite, là, le régicide devient impossible. Oui, enfin, il y a quand même Henri IV qui s'est fait assassiner, mais il y a pesé sur Henri III comme sur Henri IV. Henri III, la menace d'excommunication, ça, qui n'a pas été tout à fait... c'était une menace, et en tout cas, pour Henri IV, il a été excommunié. Et puis considéré comme mal converti. Donc cela comptait, on pouvait penser que le lien avec Dieu avait été rompu. Par conséquent, il n'était plus roi. Il n'avait plus la légitimité royale. Mais l'émotion, alors là, suscitée par le régicide d'Henri IV, a contribué véritablement à réunir les sujets autour de cette religion monarchique qui se mettait en place. Alors, je vais quand même citer pour les auditrices et les auditeurs un passage de votre livre qui est assez étonnant, qui est un passage de poésie. La mélodie du monde ne sert cependant pas seulement la beauté, elle sert aussi la justice, puisque la juxtaposition des vertueux et des vicieux est censée manifester la supériorité des premiers sur les seconds. C'est étonnant, c'est une phrase qui tombe comme ça, comme une sorte de poème au milieu de votre livre. C'est beau d'ailleurs, la mélodie du monde ne sert pas cependant seulement la beauté. J'en viens à Jean Bodin, à propos d'un passage qui est assez étonnant par rapport à ce qui est aujourd'hui la situation. La complexité des rapports entre droit et loi apparaît tout particulièrement dans les passages que Bodin consacre au droit naturel de propriété. Ce droit soulève en effet le problème crucial de l'impôt. Alors, je me suis dit, en lisant ça, Arlette Joannin a écrit un livre moderne sur la fiscalité française. Mais c'est vrai non, que je vous taquine. La question de la fiscalité, non, l'impôt est considéré comme une... disons qu'au Moyen-Âge, l'idée prévalait que le roi devait vivre du sien, c'est-à-dire vivre oui. de son domaine, et que l'impôt devait être... Toute demande d'impôt, toute demande de contribution fiscale au sujet devait être consentie, parce que c'était la prise d'une partie de la propriété des enfin, sujets. Avec quand même des relais, des droits féodaux, des droits seigneuriaux, on dirait qu'elle était compartimentée. Bien sûr, il y avait différentes sortes de contributions, mais l'impôt, alors la taille avait été l'impôt direct, l'impôt l'impôt direct qui s'appelait la taille avait été consenti par les États généraux au XVe siècle, et puis les rois n'avaient plus jamais réuni des États généraux pour demander, pour renouveler, pour que les sujets puissent renouveler leur consentement, ça avait fini par devenir un impôt ordinaire. Donc, mais dans l'imaginaire des sujets, il y avait toujours l'idée finalement que l'impôt c'était une prédation, un prélèvement d'une partie de la propriété, et que sans consentement il y avait là un abus et une manifestation justement du pouvoir absolu. Donc cette idée reste très très très vivace, et chez Jean Bodin, puisque vous venez de l'évoquer, moi c'est vous, il y a page 241. Oui, bien sûr, mais que vous venez de citer ce passage de mon livre, il y a encore l'idée que l'impôt doit être consenti par les États généraux. Il y a encore cette idée là chez Jean Bodin. Alors Jean Bodin est aussi celui qui prononce le terme de république. Ce qui est très intéressant, parce que dans le contexte que vous déployez, à savoir l'essence d'une monarchie absolue entre le vouloir et le pouvoir, ce qui est une distinction très caractéristique de votre livre si savant, Jean Bodin fait entrer le terme de république, au sens romain du terme, d'entendre la chose publique. C'est la chose publique. Oui, la république ne désigne pas un régime politique sous la plume de Jean Bodin. C'est la chose publique, c'est le bien commun, c'est le Commonwealth, si on peut dire. Enfin, des Anglais. C'est la santé commune. C'est la chose publique. Le Commonwealth, c'est un verset de Habacuc. Oui. Qui est sorti directement de la Bible. Oui, tout à fait. C'est, oui, tous les, on parlait couramment de la république pour désigner la monarchie. C'était la monarchie à ce moment-là faisait partie de l'ensemble des régimes qui pouvaient bénéficier du nom république. Vous en priez beaucoup avant que je donne la parole à Emmanuel, juste le mot de mélodie à plusieurs reprises, parce que c'est quand même un mot disons musical. Donc en fait, le terme mélodie renvoie à harmonie. Oui. Or, votre livre montre constamment que l'harmonie est difficile à discuter. Oui, oui, le mot de mélodie est employé par Jean Bodin, mais Jean Bodin est un auteur dont la pensée est extraordinairement complexe. C'est un juriste. Et c'est un juriste qui est considéré... Un juriste consulte, bien sûr, et qui a véritablement le premier... identifier la souveraineté à la puissance absolue. Se fondant sur cette définition, il a caractérisé d'une façon irréversible, sur laquelle on vit encore aujourd'hui, l'indivisibilité de la souveraineté. L'indivisibilité de la souveraineté dont il a montré qu'elle ne pouvait résider que chez un seul. Et on le considère pour cela comme le fondateur de la doctrine absolutiste, ce qu'il n'est pas. Paradoxalement, on le considère souvent comme ça, mais sa pensée est beaucoup trop complexe pour qu'on puisse le définir tout uniment comme le fondateur de la pensée absolutiste. En fait, il conserve encore, je l'ai rappelé tout à l'heure, beaucoup de poids, beaucoup d'importance aux États généraux et au Parlement. Mais il a... à mon sens, jeter les bases d'une conception nouvelle de l'obéissance, car si l'on se réfère à la conception du consensus dans la conception, dans l'imagination traditionnelle, dans l'image traditionnelle que l'on pouvait avoir, L'obéissance ne pouvait être que différée. Justement, dans l'intervalle entre le vouloir et le pouvoir, se glissait la délibération, donc ça demandait du temps, et l'obéissance était différée. Or, ce que Jean Bodin a véritablement introduit, c'est l'idée que ce qui fait la loi, c'est la volonté du roi. Donc, il ne faut pas obéir à une loi parce qu'elle est juste, mais parce que c'est un ordre. Et Montaigne dira la même chose, ce qui fait le crédit d'une loi, ce n'est pas sa justice, mais le fait que c'est une loi. Donc on voit esquisser l'idée d'obéissance absolue qui forme un couple indissociable de l'idée de pouvoir absolu. Voilà, donc... C'est cet apport capital de Jean Bodin, indépendamment, je répète, de la complexité de sa pensée, mais cet apport que je considère comme véritablement essentiel. Et on s'achemine justement vers l'idée du roi législateur qui succède à l'idée du roi justicier. Et à l'idée du roi législateur. Voilà, exactement. Et justement, ça, là, on prolonge la réflexion vers le XVIIe siècle, et là surgit une question, puisque avec un thème pareil pour votre ouvrage, on est étonné de ne pas trouver à la fin Louis XIV. Alors peut-être que vous pouvez expliquer les raisons pour cette interruption, ou en tout cas nous donner espoir que vous donnerez une suite à ce très bel ouvrage. Alors, j'ai écrit un livre qui, au début, il allait jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, mais finalement, parce que ça faisait un ouvrage qui était trop gros, il a été coupé en deux, et il y aura un autre livre sur le XVIIe siècle qui va paraître à l'automne, j'espère, et qui suivra justement cette évolution vers un véritable dogme absolutiste qui demande une adhésion quasi fidéiste, d'homme qui sera contesté pendant la Fronde et qui s'épanouira avec l'incarnation de l'État absolu par Louis XIV. Et qui se prolongera au XIXe siècle, après la mort de Louis XVI, sous le nom de légitimisme, qui est ce qu'on peut appeler, selon Platon, la phase excessive de la légitimité. C'est un mouvement politique par rapport à ce qu'on peut appeler le droit. Précisément sur la mort de Louis XVI, votre livre s'arrête Henri IV, il est une richesse telle que déjà, on dirait, on en a sa suffisance en attendant le second, mais c'est un magnifique livre. Dans l'ouvrage dirigé par Patrice Guélifet, il y a un récit de la mort de Louis XVI, de cette mort pathétique et, comment dirais-je, subie avec une résolution digne, chrétienne d'ailleurs, ce qui est important, et dont on va entendre un extrait. Le texte est dû à Patrick Guélifet lui-même, puisqu'il a dirigé cet ouvrage qui ne complète pas le vôtre, mais qui est un autre versant sur le bac ou l'adret, comme vous voudrez, de ce que vous faites en études anthropologiques et historiographiques du pouvoir absolu sous le nom de naissance de l'imaginaire politique de la royauté. Quand on dit que le 21 janvier a détruit le mystère de l'incarnation royale, investi la nation de la souveraineté et rendu la révolution irréversible en creusant un fleuve de sang entre le nouveau et l'ancien régime, on dit vrai. Mais la portée de cette exécution n'est-elle pas en définitive plus morale que politique ? Tout cela n'était-il pas plus ou moins acquis bien avant la décapitation de Louis XVI ? La royauté traditionnelle vivait encore dans la tête du roi et de quelques fidèles, mais ailleurs. Sans aller jusqu'à dire avec les plus intransigeants que le monarque avait abdiqué le jour où, avouant son impuissance, il s'en était remis aux États généraux pour trouver la solution de la crise, voir que la monarchie avait cessé d'exister avant même qu'il accédât au trône, Varennes avait marqué un tournant. La fuite manquée du roi avait rompu le lien presque millénaire qui existait entre la France et ses souverains. Louis XVI était apparu comme un vulgaire émigré, arrêté et ramené de force au bercail par la nation, laquelle avait, du même coup, défait son ancienne identification au corps du roi. Cette fois, c'en était fini. Non seulement de l'histoire de la monarchie absolue, mais de celle même de la royauté. La réalité n'a bien sûr pas cette simplicité des purs. On avait encore vu, après le 20 juin 1792, une partie de l'opinion protester contre cette journée. Mais ce n'était plus vraiment vers le roi que montaient les protestations de fidélité. Les modérés exprimaient moins leur ferveur royaliste que leur peur d'une dissolution générale. Ils protestaient surtout contre l'atteinte portée à une constitution dont ils savaient que Louis XVI n'était pas le serviteur sincère, mais qui leur apparaissait comme l'ultime rempart de la légalité. Et si le malheur du roi n'était pas étranger à leurs protestations, c'était moins l'affront fait aux successeurs des Capétiens qui les choquaient que les humiliations infligées à un homme que les outrages grandissaient. C'est toute la différence avec le procès de Charles Ier, tombé pour ainsi dire les armes à la main. Le roi d'Angleterre avait succombé, pas la royauté. Cromwell, qui la veille de l'exécution avait dit à Algernon Sidney « Nous lui couperons la tête avec la couronne dessus », avait échoué. La décapitation du roi n'avait pas compromis l'avenir de la couronne, comme le montrèrent les manifestations d'affliction qui suivirent le supplice du 30 janvier 1649. En France, les conventionnels coupèrent une tête d'où la couronne avait déjà glissé. C'était Lundi de l'Histoire, présenté aujourd'hui par Philippe Le Villain avec Arlette Johanna pour son très très beau livre, Le pouvoir absolu, naissance de l'imaginaire politique de la royauté, publié dans la collection L'Esprit de la Cité chez Gallimard. Et aussi autour du livre de Patrice Génifet, Direction Les Derniers Jours des Rois, publié chez Perrin. Avec Arlette Johanna et Emmanuel Jousse. Le texte est élu par Jean-Pierre Leroux, la prise de source de Philippe Palares, la réalisation de Ghislaine David, la prochaine semaine. Les Lundis de l'Histoire sont présentés par Jacques Le Goff. Et dans quelques instants, ce n'est pas la peine de crier, par Marie Richeux. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous.